Top chrono, athlétisme. Allez, on va parler athlétisme avec Didier. Didier, l'athlétisme, il y avait une superbe course. Où nous en sommes de tout ça? Bah, disons que c'est vrai que le 22 avril, l'entraigue était à sa première édition. Cette course des Templiers, qui était de 13 km, a été pour, j'ai eu l'organisateur, un succès pour lui, 170 participants. C'était la première course, l'intrigue. Première course, ouais, première course. Et les Templiers, parce que, alors il ne faut pas tout confondre, il y a aussi le trail des Templiers, oui. Course des Templiers. Il ne faut pas se tromper, c'est pas le même niveau. Surtout que la course des Templiers avec 3550 mètres de dénivelé positif sur 76 km sur le Causse Noire. Il y a de quoi faire, mais il y a de quoi en avoir dans les jambes, mais aussi dans la tête, parce que j'en ai jamais fait. Et quand on connaît les chemins pentus là-haut, entre la Lozère et l'Aveyron, on en prend plein les yeux, mais aussi plein les jambes. Alors c'est vrai que, en revenant à nos moutons au niveau de cette course, 170 arrivants, l'organisateur était heureux, il m'a dit pour moi c'est la première. Puis il y a eu quand même deux garçons que je connais bien qui sont de Carpentras, c'est El Hosseini et Brahim qui gagnent assez facilement avec en 45 minutes. Bon, son second n'est qu'à 9 secondes, Lucas Levesque, suivi de Denis Servoz. Et puis le petit cousin, El Ouazizi Wadif, qui est souvent devant, là, pour une fois, il est quatrième, avec un chrono d'à plus d'une minute. C'est un bon, ça veut dire que tout compte fait, le niveau était relevé, c'est tout course. Oui, je suis surpris, parce que ces deux garçons, on les voit sur toutes les courses sur route. Mmh. Et ça a donné un niveau quand même positif à la fois pour l'organisateur, aussi bien en quantité qu'en qualité. Nicolas Vazin était là? Ah, Monique, tu étais présente? Ouais. Donc tu as dû reconnaître aussi la première qui parce a que la chaîne féminine est quelque chose donc qui était très affûté. Est-ce qu'on a des résultats sur Monique? Alors Monique, donne-nous ton résultat. Alors vas-y, ça c'est pas parole. Pardon. Dans ma catégorie, j'ai fait première, Master 2. Oh. Master 2, oui. Combien vous étiez au départ? Au-dessus de 50. 168. Ah, 170. Ah, ouais, ouais, non, 170. c'est beau. Ouais, parce que des fois, il y en a qui sont en première catégorie, parce qu'ils sont seuls. Oscar, cinquième, féminine. Cinquième féminine. Non, je plaisante. Ah. Oui. Oh, bien, bien. Combien le temps de ces kilomètres? 1h05. Ouais, mais bien, parce que si tu compares, alors, je vais te dire, si tu te compares à Anne Rosati, quand même, qui est pas la dernière ni la première, enfin, qui gagne là, dans la catégorie des masters et aussi chez les femmes, elle est en 56-32. Alors, je vais arrondir en gros à 57 minutes, toi, 1-05. Quand je connais sa panoplie au niveau à la fois de triathlète, de course à pied, tu combines. C'est là, ce chapeau, sur 13 km. Je ne connaissais pas le parcours, c'était la première édition, mais je pense quand même que ça devait être de belles montées. Vous montiez au clocher à travers le village? Non. Pas du tout. D'accord. Il faudra que j'aille le repérer et je vous en parlerai une prochaine fois, mais je pense que là, l'organisateur a dû se faire plaisir. Course des Templiers, il y avait une signification derrière, et ça doit être pas loin aussi du parcours de santé, pas loin de Bédarrid. On passe dans le... Voilà, en effet, tout à fait. On part donc du centre, on va direction le parc de santé, après on monte je sais pas si tu connais la fromagère, la montée de la fromagerie. On descend par le château. Oui. Après, on remonte vers Sorgue, la colline de Sèvres. La colline de Sèvres, ça monte. Hein. Par le tennis, tout à fait. Un parcours, pas du tout roulant. Pas du tout roulant, non. Technique, on va dire. Donc, je vois pour les premiers, ce 13 bornes en 45 minutes, c'est des garçons quand même qui ont derrière un gros entraînement, c'est que pour Anne. Donc, 1h05. Tu as dû faire du 12 km heure à peu près, et c'est pas que de l'à peu près, vu le parcours qui n'est pas roulant. C'est bien. C'est super. Je pense que tes coachs sur Vauden vont être satisfaits de toi. Sinon, c'est vrai que dans le domaine des courses, c'est, comme je l'ai dit, c'est... Alors, Anne Rosati a fini première féminine, on n'a pas vu un petit peu les catégories sur cette course, est-ce qu'il y avait... Senior féminine, elle a gagné en master et sur toute catégorie confondue au niveau des femmes. Bon. Donc je pense qu'elle doit préparer une autre édition qui va se résumer. Je ne sais pas, je pense pas que ça soit sur le trail de Digimondas, mais derrière elle, il y a d'autres courses qui vont venir. Aussi, il y en a peut-être la course de Mazan, la course de la solidarité, ou à Sarian. autant à Bédarides, hein, sur la, mais la je virée, sais que à Bédarides, il y a beaucoup de coureurs qui viennent pour la foulée des Sept Rivières, hein, que ce soit Yemounir, qui est déjà venu. Il y a pas mal de coureurs qui viennent du CSMA. Le niveau est assez relevé aussi. Le niveau est assez relevé, oui. Et bon, il y avait une course, je sais que c'est Bonir Yemounir qui l'a gagné à Saint-Laurent-les-Arbres, qui avait lieu, je pense, le samedi ou le dimanche. Je n'ai pas les résultats, puisqu'elle était là-bas dans le Gard. Hein. Tu sais, je vais juste demander à Monique, alors on est en direct, bien sûr, c'est pour ça qu'on peut se le permettre, on va continuer avec Didier l'athlétisme. Si on peut avoir Thierry Bertrand de Château-Renard, on va parler pour dimanche de rugby, malheureusement, mais l'actualité est ainsi faite. Continuons, mon cher Didier, pour le moment, en athlétisme, et on verra si Thierry Bernard peut parler en direct à l'antenne. Bah, c'est vrai que, lorsqu'on regarde un peu la panoplie et le programme de toutes ces courses, le week-end il n'y avait qu'une course le samedi. Après, si on regarde bien, bon, il y a Gégondas la semaine prochaine le samedi, le dimanche il y a Open. Derrière, pour le 1er mai, il y a deux courses entre Mazan et Pertuis, il y a le choix. Et on revient un peu en arrière, mais avant Entraigues, il y avait une course le dimanche, donc c'est vrai que certaines sont cadencées. Cadencées, on en avait discuté l'autre fois, on était surpris, j'avais été à Cavaillon le 9 avril. Alors comment aujourd'hui on peut se retrouver quand je vois ton calendrier qui est, on se croirait dans l'agenda à la semaine, tellement qu'il y a des courses. On se retrouve avec quatre courses le 9. Le 9 avril, Cavaillon, Malmort du Comtat, Cannet et la Vignonnaise. Le 9 mai, excusez-moi. Le 9 avril, non, on parle bien du calendrier. Le 9 avril, il y avait 4 courses. C'est terrible, je veux dire. Alors que le 22 avril, le samedi 22, il n'y en avait qu'une. Et ils n'ont pas su en mettre une, peut-être le dimanche. Ça aurait permis de décharger un peu ce 9 avril qui était rempli. Bon, il y avait de quoi faire, mais 4 courses dans le dimanche. Après, bon. Il y a un challenge, un règlement du challenge vauclusien. Après, les gens qui veulent y participer, toutes ne sont pas dans le challenge du challenge vauclusien. Malmort du Comtat y était. Cavaillon y était en tant que course régionale et qualificative au niveau semi-marathon. Donc, après Cabrières d'Avignon qui avait eu lieu le 16, ça fait partie du challenge vauclusien. Si on regarde bien, tout de même, là, c'est que la virade dans les vignes de Bédarides qui a lieu le 21 mai, elle en fait partie. Rustrel une semaine avant. Donc il y a un choix et après c'est aux gens quand même d'essayer de trouver un juste milieu pour pouvoir participer et ne pas aller sur certaines courses. Didier, revenons un petit peu aussi parce qu'il y a le calendrier athlétisme qui va démarrer, les pistes, les rendez-vous, où nous en sommes parce que... Alors côté pistes... Et au niveau des interclubs. Les interclubs maintenant, ils ont supprimé sur les deux tours, un tour qui avait lieu normalement premier week-end de mai et le deuxième qui avait lieu à troisième sommet, de semaine de mai. C'était donné et dit, c'est la troisième semaine de mai qui va faire office d'un seul tour. Alors je le dis bien, il y a un seul tour, on est un peu surpris, mais c'est la première fois que ça arrive. Ça vient qu'au niveau des clubs et au niveau de chute de certains athlètes et de courses qui sont retirées, ça allège le calendrier, mais c'est comme ça, faut s'y faire. Ceux qui vont en bénéficier, pour eux, ce sont surtout les petits clubs qui ont un niveau honneur ou régional. Donc feront que le deuxième tour. Ils n'auront pas à faire le premier et le deuxième tour, ce qui était assez lourd pour arriver à trouver toute la panoplie de l'athlétisme sur la piste, aussi bien des lanceurs jusqu'aux sauteurs en longueur, un sprinter. Il fallait à chaque fois combler des trous. Maintenant, les gros clubs, je pense que certains gros clubs sont quand même lésés. Faut taper vraiment vers le haut niveau, mais ça va peut-être permettre à certains athlètes de pouvoir s'affûter sur des courses qu'ils vont chercher vers la mi-mai ou un peu avant mai pour préparer le premier tour des interclubs, alors que c'était souvent le premier tour des interclubs qui avait lieu premier week-end de mai pour voir où on était et se juger. Hein. Merci pour cet éclaircissement Didier, des interclubs qui vont démarrer, tu nous as dit, dans le courant du mois de mai. Voilà, cette émission touche à sa fin, on devait avoir Thierry Bertrand pour terminer, puisqu'on saura dimanche prochain, on vous confirmera ça bien sûr dans la minute sportive du côté de Coubertin, à Château-Renard, pour les 16e de finale de Fédéral 2, puisque Château-Renard recevra Beaune, et ce match sera diffusé en direct sur les ondes de Fly FM. Messieurs, petit tour de table, tandis que Jean-Yves va très bien. Bon, Jean-Yves, tout s'est bien passé ce soir. Écoute, pour ma dernière au studio de la saison, oui, ça s'est bien passé. On se retrouvera sur les antennes, mais dans des conditions un petit peu différentes dès la semaine prochaine. Je l'espère, mais que l'auditeur n'aura aucune répercussion. Gilles, tout s'est bien passé, la technique. Hein. Ouais, lui, est-ce que tu seras prêt pour aller à Château? Ça sera plus compliqué, on verra bien. Monique? Tout va bien. C'est fini. Didier, bye bye. Souhaitons une bonne semaine sportive à tous nos auditeurs et auditrices. Voilà. Et bien sûr, n'oubliez pas la minute sportive. Ça sera mercredi, jeudi et vendredi. Vous en saurez beaucoup plus sur le week-end à venir. Et on espère vous retrouver le 2 mai. Bye bye. Bye. Ce programme sportif vous a été offert par le groupe Bélucie, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région. Plus d'infos, www.belucie.fr.